sourit jamais. Mais toi tu vas lui sourire. Elle, elle te parle mal. Mais toi tu dois bien lui parler. Qui s'en fout de toi, fout de toi.